soirée, bon week-end. Merci de nous écouter à Courcelles, les Gisors, 18h. Tout de suite, un nouveau point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Deux informations judiciaires distinctes ont été ouvertes dans le cadre des enquêtes visant Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, a annoncé le parquet du tribunal de grande instance de Paris. La première information judiciaire concerne le financement de la campagne électorale présidentielle du leader de la France Insoumise. La seconde concerne les conditions d'emploi des assistants parlementaires du mouvement. Jean-Luc Mélenchon s'est félicité sur Twitter de sortir des griffes de l'arbitraire. Le bilan s'alourdit une nouvelle fois. Un huitième corps, celui d'une femme, a été retrouvé dans les décombres des deux immeubles qui se sont effondrés lundi à Marseille. 65 sauveteurs continuent de déblayer le tas de gravats de la rue d'Aubagne dans le quartier populaire de Noailles en plein centre-ville. Des experts ont également demandé une évacuation à titre préventif de plusieurs immeubles situés près du lieu du drame. Il s'agit d'une mesure de précaution. La troisième audition de Nordal Lelandais au sujet de la mort d'Arthur Noyer est terminée devant les juges d'instruction au tribunal de grande instance de Chambéry. L'ancien militaire de 35 ans a maintenu ses précédentes déclarations. Au mois de février dernier, lors de sa première audition, il avait reconnu avoir croisé la route du jeune caporal la nuit de sa disparition. Puis en mars, il avait admis que ce dernier avait trouvé la mort au cours d'une bagarre. Devant les enquêteurs ce matin, il a maintenu ses propos, continuant de parler d'un accident, d'une mauvaise chute au cours de leur altercation. La compagnie aérienne Ryanair a remboursé les subventions qu'elle avait indûment perçues, entraînant la levée de la saisie d'un de ses avions, a annoncé l'aviation civile. L'avion, dont la valeur est de 98 millions de dollars, avait été mobilisé pour contraindre la compagnie aérienne à rembourser des aides versées dans le cadre de son activité à l'aéroport d'Angoulême de 2008 à 2009. Ces aides avaient été jugées illégales par la Commission européenne en juillet 2014. Enfin, Marie-Christine Alaoui Soulimani est devenue la plus grande gagnante de l'histoire de la télévision aujourd'hui, dont tout le monde veut prendre sa place. Demain, elle participera à sa 194e émission, un record de longévité. Néanmoins, sa cagnotte est bien moindre que celle de Christian Quesada, 194 100 euros contre 810 000 euros. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Dans quelques minutes, Kaigo, Sandro Cavazza avec Happiness et tout de suite Daddy Yankee avec un doula. L'after school d'espace. Si esa mujer

Ludo. Ludo. Ludo on the radio. Espace. Espace. Funky. Funky. Milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. You want it? The thing that makes me what the guys go crazy for. They lose their minds the way I want. La la la la la. Warm it up. La la la la. It's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. I can see you on it. You want me to teach the techniques that freak these boys. It can't be bought. Just don't please get caught. Watch this. It's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Charge. Milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge, charge. La première émission Dance Classique. This is Soul Disco Funk. Funky Mix. I know she's gonna be surprised. Oh, this key keeps getting stuck in the lock. Oh, no, she changed the lock on the door. Yes, who is it? Star, it's Kurt. I want to talk. Will you let me in? Kurt, what do you want to talk to me about? Look, all I need is about 10 minutes of your time. Listen, we really don't have anything to talk about. 5 minutes, and that's it. All right, just hear me out. Just this one. I may not be the man that I wanna be, but I'm sure I'm not the man that I used to be. You see, I changed my ways, turned my life around. Girl, I'll never give you up, just give me one more chance. Let's get down to some real good loving. Come on, girl. Let's get down to some real good loving all night long. Let's get down to some real good loving. Come on, baby. Let's get down to some real good loving all night long. All night. Ooh, we can be together, yeah. So tight. Yeah. All night long. All night. Ooh, we can be together, baby. Now this is deja vu. You're coming in and out of my life. Look, all I wanted to do is just explain. No, wait a minute. Before you left the last time, you never gave me a chance to tell you how I felt. So now you check this out. You know I've heard that line a million times before, and I really don't want to hear it from you anymore. Sur la première radio Soul Disco Funk de France avec Funky Mix ce soir dès 21h avec Manu bien évidemment et sur une bonne partie du week-end. 18h31, tout de suite, un nouveau flash d'actu local et régional sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Hier soir, une petite centaine de personnes s'est réunie près de la gare de Val-de-Reuil pour préparer la journée de blocage du samedi 17 novembre. Sur les détails, rien n'a été communiqué pour essayer de créer un effet de surprise. Les modalités pratiques seront communiquées aux personnes intéressées très peu de temps avant l'action, notamment par des messages personnels sur divers réseaux sociaux. Mais un groupe public est disponible sur Facebook pour entrer en contact avec le reste des participants. Depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, une collecte de denrées alimentaires et produits de première nécessité se déroule à Pont-Audemer. Une cinquantaine de bénévoles sollicitent la générosité des clients des grandes enseignes de la commune afin de faire le plein sur les étagères de l'épicerie sociale Épicéa et de la banque alimentaire. Les denrées non périssables, les produits d'hygiène et les petits pots pour bébés sont particulièrement recherchés. Les 4 tonnes de marchandises récoltées au printemps dernier ont bénéficié à 628 Eurois de ce territoire. Le feu d'artifice de la foire Saint-Romain à Rouen, initialement prévu ce vendredi soir, est reporté. L'annonce a été faite la nuit dernière par l'adjoint au maire en charge du dossier. Météo France annonce en effet un coup de vent pour la fin de journée ce vendredi, avec des rafales pouvant dépasser les 80 km/h sur le littoral normand et 60 km/h à l'intérieur des terres, notamment à Rouen. Et puis ce dimanche 11 novembre marquera le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Un reportage d'Alexandre Lénaud. Le pays de Bray a connu les affres du conflit à l'image de neuf marchés, témoins du passage d'un raid meurtrier de commandos allemands en 1914 ou de Menhir-en-Bray dont le château servait de lieu de convalescence aux soldats blessés au front. Gournay-en-Bray n'a pas non plus été épargné, comme l'illustre une exposition. Précision de Gérard Brumand, l'un des organisateurs. Des photos des hôpitaux qui étaient installés à Gournay, des anciennes photos de passage de troupes pour partir sur les fronts de la Somme, de l'Aisne, voire de la Marne. On parle aussi des premiers bombardements aériens que l'on a eus sur la ville de Gournay, dont la gare qui a été bombardée en 17 et en 18. Parallèlement à cette exposition, à l'occasion ce dimanche du centenaire de la commémoration, la ville propose de découvrir un film d'archives sur l'inauguration du monument aux morts de la ville au lendemain de la Grande Guerre. Explication d'Isabelle Méry, adjointe à la mairie de Gournay-en-Bray. Nous avons acheté les droits et un commentaire a été fait, d'après les journaux d'autrefois, d'après les anciens combattants, d'après des recherches multiples. En fait, c'était un film d'actualité, du moins c'est ce qu'on suppose. Et donc là, on a pu lui donner vie en lui ajoutant musique et paroles. Nous sommes le dimanche 22 octobre 1922. Nous assistons à la sortie de la messe précédant l'inauguration du monument aux morts. Retrouvez le reportage complet ce dimanche lors d'une édition spéciale sur la Grande Guerre dans le pays de Bray, mais aussi dans le département de l'Eure. Et puis avant de conclure avec du sport, une information insolite. Dans la nuit de mardi à mercredi, une jeune femme est tombée nez à nez avec un python royal dans son appartement en duplex du centre-ville de Rouen. Vers 2h du matin, elle a entendu un bruit comme quelque chose qui tombait à l'étage du dessous. C'est là qu'elle a vu l'énorme serpent. Ensuite, l'animal mesurant tout de même 1,20 m s'est caché. La Rouennaise a alors décidé de se faire héberger ailleurs pour la nuit. Le lendemain, les pompiers ont récupéré l'animal. La jeune femme a interrogé ses voisins pour savoir si le serpent appartenait à l'un d'eux. Tous ont affirmé que non. En football, pour la 14e journée de Ligue 2 ce soir à 20h, les Havrais reçoivent au Stade Océane leurs homologues de Sochaux-Montbéliard. En National 1 pour la 13e journée de championnat, ce soir, Quevilly-Rouen Métropole se déplace à Rodez. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour ce samedi, Météo France prévoit des nuages gris et des risques d'averses sur l'ensemble de la Normandie. Toutefois, quelques éclaircies sont attendues sur le Pays d'Auge et l'ouest de l'Eure à la mi-journée. Le mercure indiquera au meilleur de la journée 12 degrés à Évreux, Lyons-la-Forêt, Le Neubourg, Bernay-Rugles, 13 à Rouen, Vernon-Gisors, 14 à Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 9-10 degrés, alors je vous parle, indice de l'air 3, c'est nickel. On attaque cette nouvelle demi-heure avec un Cédric Gervais et Do It Tonight. School. Later, bitches. Bitches.

get your love. You left your baby. You left your mom. Might be to forget. You left your baby. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. After School en mode week-end à l'instant avec Kaigo et Miguel, c'était Remind Me to Forget, quasiment 18h50. Quatre nouveaux messages maintenant provenant de Bois Val d'Azé, de Courcelles-lès-Gisors, de Château-sur-Epte pour un spectacle notamment pyrotechnique, mais surtout commémoratif sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, et un autre message de Cerqueux près de Forges-les-Eaux. La troupe harmonique vous présente la pièce de Christian Dobb, Rififouin dans l'héritage, le samedi 10 novembre à 20h30 au pavillon à Cerqueux. 2 heures de rire garantie. Merci. Bonjour, Nathalie Caillot, maire de Château-sur-Epte. Nous organisons un spectacle son et lumière le samedi 10 novembre 2018 à 19h sur la muraille du château, retraçant la Grande Guerre de 14-18. Cet événement sera clôturé par un feu d'artifice. Merci. Bonjour les auditeurs d'Espace, marché de l'Avent de Courcelles-lès-Gisors, tout près de Gisors, le samedi 10 novembre et le dimanche 11 novembre, de 10h le matin à 18h. Merci à tous, à bientôt. Bonjour, l'amicale du personnel de la mairie d'Aubevoye-le-Val d'Azé organise sa bourse jouée et à la puériculture dimanche 11 novembre à l'espace culturel d'Aubevoye-le-Val d'Azé de 9h à 18h. Nous vous attendons nombreux. Au revoir. Bon début de soirée, bon week-end à l'instant sur Espace dans l'After School. C'était Dimitri Vegas, Like Mike avec OPA. Avant 19h, on écoutera un petit Émile et Image, le medley. 19h, l'Afterwork d'Orient. 21h, c'est Funky Mix avec Manu. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous ce week-end, dimanche exactement à 11h. Ciao. Maintenant, la Proc Télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 9 novembre. Ce soir sur TF1, comme chaque semaine, ce sont des petits enfants, d'autres sont déjà des ados et pensent que chanter est le but ultime de leur vie. The Voice Kids dès 20h40, 23h10. Vendredi tout est permis avec Arthur et tous ses amis. Cela sonne tellement faux. La moindre blague, le moindre jeu de mots et ce sont des éclats de rire, mais là c'est trop. France 2, Noir Enigma, un téléfilm français avec l'excellent comédien Patrick Chesnais, l'histoire d'un flic qui enquête sur une jeune joggeuse qui a été assassinée en pleine rue. France 3, documentaire sur Johnny, Made in France. Certains commencent déjà à balancer des secrets sur lui, comme Régine, qui cette semaine a rencontré sa rencontre avec Elvis alors qu'elle avait promis de ne jamais en parler. Comme quoi, faut pas faire confiance. 23h15, le divan de Marc-Olivier Fogiel. Excellente émission et ce soir, qui vient s'allonger à côté de lui ? Amanda Lear. Canal, le crime de l'Orient Express. C'est un film policier, c'est une adaptation du film et du livre légendaire avec Johnny Depp. Arte, diffamation, un téléfilm allemand, l'histoire d'une institutrice qui découvre que des photos d'elle nue ont été publiées sur le site de son école. M6, Bulle, pour débuter la soirée avec un inédit, on retrouve le comédien de Bulle dans la série suivante qui l'a rendu célèbre, NCIS, avec Gibbs et ses Bleus, où il jouait Dino Zo. Le meilleur de la TNT, C8, Hanouna reprend le contrôle de la soirée dès 20h40, dites-le à Baba, le concept, ce sont des anonymes qui viennent faire découvrir leur mode de vie atypique. Alors on va avoir forcément à un moment ou à un autre un truc un peu sexy, ou alors un mec qui aime se faire fouetter, ou qui aime vivre nu. On ne sait pas, 22h40, balance ton poste, et là franchement, je suis agréablement surpris par cette émission. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure, et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Écoutez sur Espace les meilleurs souvenirs. Back in time. Laissez-nous chanter.